Chapitre 7. Hospitalité d'un prince Kalouk. Fête, chasse aux faucons. Société russe dans une île du Volga. Arrivée à Astrakhan. Nous quittâmes Sarepta, entièrement enthousiasmés des bons frères moraves et de l'accueil plein de cordialité et d'empressement que nous avions trouvé chez eux. À quelque distance de la colonie, une ligne d'un blanc mat que l'obscurité permettait à peine de distinguer nous annonça la présence du Volga. Nous le côtoyâmes pendant la nuit, l'apercevant de temps à autre à la pâle clarté des étoiles. Grand nombre de lumières brillaient le long de ses rives. C'étaient des lanternes de pêcheurs. Ces points lumineux, changeant à chaque instant de place, ressemblaient aux feux follets qui séduisent et trompent le voyageur. Les campements des Kalmouks, masses noires qui semblaient glisser sur la surface du steppe, l'obscurité de la nuit, la rapidité avec laquelle notre Droïka nous emportait à travers l'immensité de la plaine, la clochette de poste dont le son aigu vibrait dans l'espace, et bien au-dessus de tout cela, l'idée que nous étions en Kalmoukie avait produit en moi une excitation fébrile qui me tint constamment éveillée. Au point du jour, mes yeux se tournèrent avidement vers le Volga qui resplendit bientôt sous les teintes éclatantes du soleil levant. Avec quel sentiment d'enthousiasme et même d'orgueil j'envisageais alors ce beau fleuve qui déroulait devant nous son cours tranquille et majestueux, ses méandres et la multitude de ses îlots couverts d'aunes et de trembles et coupés par mille canaux. De l'autre côté du Volga s'étendaient à perte de vue les immenses steppes où campent les Kirghizes et les Kalmouks, et dont la ligne à l'horizon était aussi unie que celle de l'océan. Il eût été difficile d'imaginer un spectacle plus grandiose, plus en harmonie avec l'idée qu'éveille le Volga, auquel son cours de 600 lieues assigne le premier rang parmi les grandes rivières de l'Europe. La route de poste qui côtoie le fleuve jusqu'à Astrakhan est pénible et souvent dangereuse. Nos chevaux marchaient continuellement dans l'eau pour éviter un sol qui ondule comme la mer au moindre vent. De distance en distance, nous trouvions des villages cosaques presque ensevelis sous des vagues de sable et beaucoup de cabanes complètement abandonnées. Cet envahissement, qui gagne tous les ans en étendue, changera bientôt les rives déjà si tristes du Volga en un véritable désert. En face de la stérilité et de la désolation de ces lieux, on ne peut qu'admirer la résignation de ces Cosaques affrontant, sans se décourager, un fléau dont les rapides progrès les chassent d'une année à l'autre de leurs cabanes et les forcent à aller plus loin en construire de nouvelles. Sur un espace d'environ 60 verstes, la route se trouve ainsi resserrée entre le lit du fleuve et des collines mouvantes qui découragent le regard par leur aride monotonie. C'est encore supportable pendant le jour, mais quand vient la nuit, l'esprit se sent envahi par une affreuse tristesse et ne peut envisager sans anxiété une situation qui paraît alors environnée de mille périls. On avouera du reste que la crainte est assez permise à qui songe qu'une horde nomade, avide de pillage, peut se trouver là, en embuscade, derrière ces défilés que l'obscurité rend encore plus menaçants. Toutefois, les postes cosaques que le voyageur rencontre de temps en temps sur sa route contribuent grandement à calmer ses appréhensions. Ces cosaques, originaires du pays du Don, furent primitivement envoyés par le gouvernement pour faire le service des frontières du Volga et défendre ces dernières contre les incursions des peuples nomades. Ils vinrent s'y établir avec leur famille, fondèrent plusieurs villages et plus tard peuplèrent Samara, Saratov et d'autres villes. Il ne reste maintenant de ces colonies qu'une population organisée militairement, n'ayant d'autre service que de surveiller de loin les mouvements des Kirghizes et de protéger les voyageurs. Le sol ne lui offre aucune ressource pour l'agriculture, mais la pêche suffit en partie à ses besoins. Chose surprenante et qui fait honneur aux Cosaques. Cette route si peu fréquentée possède de bien meilleurs chevaux que les grandes lignes de poste. Les stations sont également plus vastes, plus commodes, d'un style plus élégant. Tout y révèle une sollicitude spéciale de la part du gouvernement et le soin consciencieux que mettent les Cosaques dans l'exercice de leurs devoirs. À mesure que l'on s'approche d'Astrakhan, les collines de sable qui emprisonnaient la vue s'abaissent insensiblement et permettent d'embrasser un vaste espace. Toute cette partie du steppe, dégarnie de forêts, ne présente qu'un sol salé, sablonneux, coupé çà et là par des flaques d'eau et des touffes d'absinthe. On ne saurait s'imaginer la tristesse de ces dunes de sable que le moindre souffle du vent agite et déplace pour leur donner mille formes aussi bizarres que passagères. De même que la mer, cette contrée a ses moments de repos et d'orage, son immensité et ses grands horizons. Aucun bruit n'en vient troubler le silence, si ce n'est le cri perçant des pétrels et des oies sauvages qui peuplent le bord de ces étangs. De loin en loin seulement, nous rencontrions des troupes nombreuses de chameaux allant s'abreuver aux eaux limpides du Volga ou errant au milieu des kibitkas kalmouks éparses dans le steppe. Arrivés à l'avant-dernière poste, nous fûmes tout à coup interrompus dans notre déjeuner par les sons d'une musique militaire qui mit en un instant toute la maison en révolution. Fort intrigués nous-mêmes d'un pareil incident dans une telle localité, nous quittâmes bien vite la table et courûmes, comme tout le monde, au bord du fleuve pour voir passer un pyroscaphe, un vrai pyroscaphe, avec sa large cheminée, ses bouffées de fumée noire et ses roues faisant bouillonner les eaux tranquilles du Volga, toutes surprises de cette perturbation insolite. Son pont galamment pavoisé était encombré de passagers et nous envoyait les fanfares éclatantes qui était venu si magiquement frapper nos oreilles. Il passa devant nous, je ne dirais pas fièrement, mais très lourdement, car son allure disgracieuse ne ressemblait en rien à celle de nos élégants bateaux à vapeur. Loin de raser l'eau avec la légèreté d'une hirondelle, il nous fit l'effet d'un gros et lourd canard se fiant pour la première fois aux vagues perfides des eaux. À la vue de la nombreuse société qui couvrait le pan du bâtiment, nous eûmes comme un pressentiment que cette apparition ne devait pas nous être totalement indifférente. Le pyroscaphe venant d'Astrakhan, il était à présumer qu'il emportait plusieurs des personnes que nous devions voir dans cette ville. Mais nos conjectures étaient encore bien loin de la vérité, et notre consternation devint réellement indicible lorsque l'écrivain de poste nous apprit que ce bateau à vapeur conduisait toute la société d'Astrakhan chez un prince kalmouk qui a l'habitude de donner de brillantes fêtes à cette époque de l'année. Tout aussitôt, le nom de ce prince nous revint à la mémoire et avec lui la vive recommandation que l'on nous avait faite d'aller lui rendre visite dans son île. Impossible de trouver une occasion plus favorable, on en conviendra, car le sort semblait envoyer tout exprès cet aimable bateau à vapeur à notre rencontre. Et pourtant, il fallut y renoncer, faute d'un pot d'orochni qui nous permit de prendre des chevaux de retour. Les Russes ont un esprit si formaliste que les circonstances les plus importantes ne peuvent les déterminer à s'écarter de la lettre de leur instruction, à moins que leur intérêt ne soit puissamment en jeu. Notre maître de poste, par un guignon vraiment déplorable, était honnête à sa manière, c'est-à-dire qu'il aimait mieux nous désespérer que de transiger avec le règlement. Les offres d'argent, les supplications, les menaces même furent impuissantes à triompher de son stupide entêtement et nous dûmes renoncer à la bonne fortune d'aller voir le prince en nombreuses compagnies. Le meilleur parti à prendre dans cette circonstance, eût été de héler le bateau à vapeur et d'y monter. Mais l'idée ne nous en vint qu'après avoir déjà perdu beaucoup de temps en pourparlers. Quand nous dûmes nous convaincre qu'il était notre unique ressource, son éloignement ne nous permit pas de le rejoindre. Plus tard, lorsque nous racontâmes notre mésaventure au gouvernant d'Astrakhan, il nous blâma beaucoup de n'avoir pas eu immédiatement une idée si simple. Tout espoir étant définitivement perdu de ce côté, nous nous résignâmes à continuer notre route avec l'intention de revenir sur nos pas dès le lendemain, munis d'un nouveau podorokni. Calcul fait du temps qu'il nous fallait pour arriver à Astrakhan, pour en repartir et pour atteindre la résidence du prince Tumen, nous avions la certitude d'assister pour le moins à la dernière fête qui ne devait avoir lieu que le troisième jour. Malgré cette perspective consolatrice, je ne pouvais m'empêcher de jeter un regard de profond regret sur la colonne de fumée qui s'éloignait de plus en plus de nous et à laquelle se rattachaient par un singulier hasard de si vives impressions. C'était bien là le cas de dire, alors ou jamais, que notre espoir s'en allait en fumée. Sur les 4 heures du soir de ce même jour, nous nous trouvions en face d'Astrakhan, de cette brillante cité qui ne figure sur l'itinéraire d'aucun touriste européen. Cela me rappelle une scène de vaudeville dans laquelle deux vieux troupiers qui s'étaient perdus de vue depuis nombre d'années se rencontrent tout à coup. Aussitôt de s'attabler au cabaret voisin et de se questionner. « D'où viens-tu ? » dit l'un. « D'Astrakhan. » « Allons donc, quelle blague ! Est-ce qu'on vient d'Astrakhan ?» En effet, on va partout, excepté à Astrakhan, dont l'éloignement de toute grande ligne de parcours la met à l'abri des visites que subissent d'autres villes perdues au fond de l'Afrique ou de l'Asie. Et ce n'est pas là son moindre attrait. Cette pensée, jointe à bien d'autres, porta au plus haut degré notre ravissement lorsque, embarqués dans un grand bateau, après avoir quitté la route de poste, nous pûmes embrasser d'un seul coup d'œil son beau panorama, ses églises, ses coupoles, ses forts ruinés, devenant de plus en plus visibles à nos yeux. Située dans une île au milieu du Volga, ses alentours ne sont pas, comme ceux des grandes cités, couverts de villages et de cultures. Elle est seule, entourée de sable et d'eau, tout orgueilleuse de sa souveraineté sur ce beau fleuve et du nom gracieux d'étoile du désert, dont l'a baptisée la poétique imagination des Orientaux. Une fois à terre, 1000 embarras surgirent tout à coup, de ces embarras qui glaceraient un enthousiasme chauffé à blanc. Impossible de trouver à nous caser, malgré l'aide d'un officier qu'on mit immédiatement à notre disposition. Ce brave homme paraissait profondément humilié de rencontrer partout des refus et de notre résolution désespérée d'aller nous réfugier dans un caravansérail persan. À son grand soulagement, la Providence, sous les traits d'une charmante dame polonaise, vint nous tirer de cet affreux gâchis au moment où nous ne savions plus où donner de la tête. Cette dame, dont nous fîmes par hasard la rencontre, s'empressa de mettre toute sa maison à notre disposition avec tant de bonne grâce que nous ne dûmes pas même songer à faire des façons. D'ailleurs, nos voyages en Russie nous avaient déjà habitués à la sympathie qu'inspire aux Polonais tout ce qui est français. Les derniers événements politiques n'ont pas encore eu le pouvoir d'affaiblir en eux ce sentiment de bienveillance. Ils nous regardent toujours comme des frères et sont prêts à nous le prouver en toute occasion. À part quelques bâtiments de la couronne, construits pour les employés russes, rien à Astrakhan ne rappelle une domination étrangère. La ville a complètement conservé la physionomie asiatique qu'elle doit à son ciel, à son passé et à sa population variée. Bâtie en partie sur une colline, en partie dans la plaine, elle étend plusieurs de ses anciens quartiers dans des bas-fonds entrecoupés de marais où il se trouve exposé aux crues du fleuve et pendant l'été à des miasmes très malsains. Un canal bordé de quais la traverse dans toute sa longueur. Le premier soin de mon mari, après une rapide installation, fut de se rendre chez le curateur général des Kalmouks, M. Fadiou, pour tâcher d'obtenir le plus promptement possible un pot d'orochni. Il revint au bout d'une heure m'apprendre que nous partirions le soir même dans un bateau de l'amirauté mis à notre disposition. Le gouverneur, M. Fadiou, l'amiral du port et toute la haute société de la ville étaient allés rendre visite au prince, ainsi qu'on nous l'avait annoncé. Mais Madame Fadiou, retenue chez elle par une indisposition, le nom de cette dame reparaîtra souvent dans nos souvenirs d'Astrakhan, s'était empressée de nous aplanir toute difficulté. Nous allâmes prendre le thé avec elle avant de nous embarquer. Dès ce moment, je pus apprécier ses rares qualités et le charme de son esprit rehaussé par les connaissances les plus variées. À 9 heures du soir, nous prîmes place dans la chaloupe préparée pour notre voyage, possédant un équipage composé de 6 robustes rameurs kalmouks et d'un pilote tatar. Notre espoir était d'arriver dans la matinée du lendemain chez le prince, mais par une bizarrerie inexplicable, je me sentis saisi à l'improviste d'une terreur qui, malgré mon vif désir d'atteindre le but de notre course, ne nous permit pas d'aller plus loin. La nuit était très obscure, les lames sourdes imprimaient à notre barque de fortes secousses. Le fleuve me paraissait sans limite, mais tout cela était néanmoins insuffisant pour expliquer la folle terreur qui me dominait si impérieusement. Plusieurs voyages en mer et de longues promenades sur le Bosphore de Constantinople, dans ces légers caïques que le moindre mouvement peut faire chavirer, auraient dû m'aguerrir contre toute émotion de ce genre. Mais la frayeur est un sentiment instinctif, rebelle à tout raisonnement et qui nous prend à l'improviste sans être motivé par un danger réel. Cependant, pour acquis de conscience, je dois ajouter que de fréquents éclairs et la pesanteur de l'atmosphère influaient sans doute sur l'état nerveux où je me trouvais. Quoi qu'il en soit, je n'eus de repos que lorsque j'entendis mon mari donner l'ordre de regagner le port. Et la suite prouva que c'était le meilleur parti à prendre. La nuit fut bouleversée par une de ces bourrasques si fréquentes et si dangereuses sur le Volga, qui éclata peu d'instants après notre débarquement et qui fut la meilleure justification de mon effroi. Attribuant ce dernier à une faiblesse d'esprit, j'en étais d'abord profondément mortifiée. Mais en face de l'orage de la nuit, je le considérais comme un pressentiment providentiel. Le lendemain, au lever du soleil, nous partîmes en poste, côtoyant jusqu'au soir le fleuve où je venais d'éprouver de si vives émotions. Par la fraîche et calme matinée dont nous étions alors gratifiés, il présentait un aspect peu d'accord avec mes terreurs précédentes. La journée avait l'éclat qui suit toujours une nuit d'orage dans les pays du Midi. Grâce à notre disposition d'esprit, ce petit voyage fut des plus agréables. Le maître de poste qui, la veille, nous avait si cruellement contrariés, ne put se défendre d'une vive surprise en nous voyant reparaître. Il examina avec un soin minutieux notre nouveau pot d'orochni et, s'étant assuré que tout y était parfaitement en règle, il se prit soudain pour nous d'une profonde considération. La célérité avec laquelle nous avions obtenu le papier étant à ses yeux une preuve manifeste que nous méritions tout son respect. Vers le soir, nous quittâmes la voiture de poste pour nous embarquer, ayant à faire sur le fleuve une douzaine de verstes avant d'arriver chez le prince. Mais tous les fantômes de la nuit précédente s'étaient dissipés à l'éclat du soleil et je me hâtais d'entrer dans la chaloupe, ne songeant qu'au plaisir d'une longue promenade sur les flots limpides du volcan. Une dernière contrariété, une contrariété si vive que nous en fûmes complètement déconcertés, nous attendait au moment où nous croyons avoir vaincu tous les obstacles. On eût dit qu'un malin génie s'amusait à déjouer nos prévisions, dans le seul but de nous faire renoncer à cette visite à laquelle nous attachions tant de prix. On a dû facilement comprendre par le récit précédent que la célérité déployée dans ce voyage n'avait d'autre but que d'arriver chez le prince avant le départ du bateau à vapeur, but qui nous tenait depuis 24 heures en haleine et que nous croyons avoir atteint par la rapidité du retour. Quant au fait, force avait été d'en faire le sacrifice. Telles étaient nos dispositions et notre esprit se tenait fort en repos de ce côté-là. Qu'on juge donc de la consternation dont nous fûmes frappés en avançant sur le Volga, lorsque soudain notre rameur s'écria « La vapeur ! La vapeur !» tandis que de sa rame, il nous montrait une légère fumée sortant du milieu des arbres. Oh ! Pour le coup, c'était une véritable fatalité. Et quant à moi, quoique peu superstitieuse, je ne pus m'empêcher d'en être vivement frappée. Ce dernier contretemps venait nous enlever de la façon la plus irritante tout le plaisir que nous promettait ce malencontreux voyage, et cela au moment même où nous nous félicitions d'avoir vaincu le sort. Le bateau passa, fier et triomphant, à peu de distance de nous, avec sa joyeuse musique qui semblait insulter à notre déception. La pauvre petite barque, où nous faisions si triste mine, ballottée comme une coquille de noix par les vagues que soulevaient autour d'elle les roues de cette machine, deux fois maudite, n'eut même pas l'honneur d'être aperçue au premier abord. Cependant, quelqu'un s'en ravisa, une lunette fut braquée de notre côté et nous apprîmes plus tard que notre apparition avait donné lieu à une foule de conjectures dont la solution ne devait avoir lieu qu'à Astrakhan. Il ne nous restait plus qu'à prendre philosophiquement notre parti. Ce que nous fîmes, convaincus que le sort nous avait été jusque-là trop hostile pour qu'il ne s'opérât pas un revirement quelconque en notre faveur. Sans plus daigner accorder un regard au bateau à vapeur, à sa musique et à sa brillante société, nous donnâmes toute notre attention au spectacle qui s'offrait à nous et qui, certes, valait beaucoup mieux que la vue du prosaïque pyroscaphe. L'îlot qui appartient au prince Tumen se trouve complètement isolé au milieu du fleuve. On dirait un nid de verdure n'attendant qu'un souffle pour s'abandonner au cours rapide du Volga. À mesure que l'on avance, la plage se déroule, les arbres se groupent, le palais du prince laisse apercevoir une partie de sa blanche façade et les galeries à jour de ses tourelles. Tous les objets prennent des formes plus arrêtées, plus pittoresques. Tout paraît en relief, depuis la coupole de la mystérieuse pagode qu'on voit s'élever à travers les arbres, jusqu'à l'humble kibitka resplendissant sous les teintes magiques du couchant. Ce paysage, tel qu'il s'offrait successivement à nos yeux, encadré par la nappe immobile du fleuve, présentait un caractère calme, étrange et profondément mélancolique. Cela n'avait aucune analogie avec nos autres souvenirs. C'était un monde nouveau que la fantaisie pouvait peupler à sa guise. Une de ces îles mystérieuses qu'on rêve dans des moments d'hallucination. Une chose, enfin, comme on n'en retrouve pas deux fois sur ses pas de voyageur. Mais il fallut bientôt redescendre dans les réalités de la vie et laisser pour un moment les charmants fantômes évoqués par notre imagination, car la barque touchait terre. Le rameur l'amarra dans une touffe d'ajonc, et tandis que mon mari se rendait au palais avec son interprète, je restais tapis dans le caïque, partagé entre le plaisir de contempler de loin la résidence Kalmouk et l'appréhension involontaire qu'avaient soulevé en moi tous les incidents qui se rattachaient à notre visite. Cette dernière sensation dura peu, heureusement. Quelques minutes s'étaient à peine écoulées depuis le départ de mes compagnons que je les vis revenir accompagnés d'un jeune homme qui me fut présenté comme l'un des princes tumènes, revêtus de l'uniforme cosaque et pleins de désinvolture dans la taille et la tenue, il n'avait rien d'excentrique, malgré ses yeux bridés. Je fus tout étonné de la grâce et du savoir-vivre avec lesquels il m'introduisit dans le palais où je marchais de surprise en surprise. Quelque frais d'imagination que j'eusse fait à l'endroit de ce palais, rien ne m'avait préparé à ce qui frappait mes regards en traversant plusieurs pièces qui unissaient à la richesse asiatique tout ce que le goût européen peut offrir de plus élégant. Et en voyant s'avancer vers moi une jeune dame qui me souhaita la bienvenue en excellent français. Alors, j'éprouvai un tel saisissement de joie que pour toute réponse, je l'embrassai avec effusion. De cette façon, une connaissance est bientôt faite. Par surcroît d'étonnement, la pièce où l'on nous servit le thé se remplit bientôt d'officiers russes et cosaques, tout comme si la société européenne était encore chez le prince. Si bien que je récusai presque le témoignage de mes yeux qui avaient cru voir le bateau à vapeur s'éloigner du palais. C'est qu'en vérité, il y avait de quoi s'émerveiller de la physionomie européenne dont tout était empreint, hommes et choses. À peine quelques détails exotiques, entrevus plutôt qu'analysés, venaient-ils me rappeler que j'étais en Kalmouki. Mais en résumé, était-ce bien là ce que nous étions venus chercher à travers tant de difficultés? Était-ce pouvoir des officiers russes des meubles familiers à nos souvenirs pour prendre du thé de caravane sur un plateau d'argent et pour causer en français que nous avions quitté Astrakhan? Réflexions qui traversèrent rapidement mon esprit pour faire place, après tout, au plaisir secret de retrouver l'Europe jusque chez les Kalmouks et de pouvoir, sans le secours d'un drogman, manifester à la charmante Polonaise qui nous faisait les honneurs du salon ma satisfaction de l'avoir rencontrée. Le vieux prince Tumène, le chef de la famille, vint se joindre à notre société et nous remercier avec les formes de la plus exquise politesse de notre gracieuse visite. Après les premières civilités, on me conduisit dans une fort belle chambre dont les croisées s'ouvraient sur une vaste galerie. J'y trouvai une toilette en argent, des meubles d'une grande élégance et beaucoup d'objets aussi rares que précieux. Ma surprise en face de ce luxe aristocratique allait toujours croissant. En vain cherchais-je quelque chose qui me rappelât les Kalmouks. Rien autour de moi n'avait la couleur locale. Tout semblait plutôt annoncer la demeure d'un riche nabab d'Asie. Avec un peu de bonne volonté, il eût été facile de se croire transporté dans le monde merveilleux des fées, à la vue de ce magnifique palais entouré d'eau, tout brodé au dehors de balcons et d'ornements bizarres, tout rempli intérieurement de velours, de tapis, de cristaux, comme s'il n'avait fallu qu'un coup de baguette pour faire sortir toutes ces merveilles du sein du Volga. La pensée que l'auteur de tels prodiges était un prince Kalmouk, un chef de ces tribus à demi sauvages qui errent dans les plaines sablonneuses de la mer Caspienne. Un adorateur du grand lama, un sectateur du dogme de la métempsychose, achevait de m'étourdir complètement. Madame Zakharevitch m'eut bientôt mise au courant de tout ce que je désirais savoir sur les princes Tumènes et sur elle-même. Son mari, longtemps curateur des Kalmouks, était mort depuis quelques années, victime de la probité qu'il avait apportée dans son administration. Les employés, furieux de ne pouvoir voler à leur aise, s'entendirent pour le faire mettre en jugement et le poursuivirent de leurs basses intrigues jusqu'à son dernier moment. Depuis lors, sa femme, qui possède le caractère résolu des Polonaises, s'occupe activement à réhabiliter son nom. Temps, argent, voyage, elle emploie tout avec une persévérance admirable. Une ancienne amitié la lie au vieux prince Tumène, chez qui elle passe une partie de l'été avec sa fille et une dame de compagnie. Ce prince Tumène est le plus riche et le plus influent de tous les chefs Kalmouks. En 1815, il leva à ses frais un régiment qu'il conduisit lui-même jusqu'à Paris. Plusieurs décorations le récompensèrent d'un acte de dévouement aussi méritoire. Aujourd'hui, il a le rang de colonel et se trouve le premier parmi ces peuples nomades qui ait échangé sa kibitka contre une demeure stable. Maître absolu dans sa famille, les frères aînés chez ce peuple sont respectés à l'égal du père. Ils n'usent de son autorité que pour le bonheur de ceux qui l'entourent. Il possède environ 1 million de desiatines de terre et plusieurs centaines de familles dont il tire un revenu considérable. Sa race, qui appartient à la tribu des Cochotes, est l'une des plus anciennes et des plus respectées des Kalmouks. Éprouvé à plusieurs reprises par de cruels chagrins, l'esprit de ce prince s'est tourné complètement du côté de la religion. Les pratiques austères auxquelles il se livre lui donnent une grande réputation de sainteté parmi ses compatriotes. Un pavillon isolé, construit à quelque distance du palais, lui sert de demeure habituelle. C'est là qu'il passe sa vie en prière et en conférences religieuses avec les prêtres les plus célèbres du pays. À part ces derniers, personne ne peut être admis dans son sanctuaire mystérieux. Ses frères eux-mêmes n'y ont jamais pénétré. Il faut convenir que c'est là une singulière existence, surtout quand on la compare à celle qu'il pourrait se faire au milieu du luxe dont il a embelli son palais et qui annonce un ordre d'idées bien supérieur à ce que l'on doit attendre d'un Kalmouk. Ce sacrifice complet des voluptés de la terre, cet ascétisme causé par des souffrances morales, rappelle singulièrement le christianisme et l'origine de nos ordres religieux. De même que les plus fervents catholiques, ce sectateur de l'âme demande à la solitude, à la prière, à l'austérité et à l'espoir d'une autre vie des consolations que toute sa fortune est impuissante à lui donner. N'est-ce pas là l'histoire de plus d'un trappiste ou d'un chartreux? Fin de la première partie du 7e chapitre.